Dimanche 21 octobre. Bénédiction en Christ. Lisez Éphésiens 1, versets 3 à 14. D'après Paul, qu'avons-nous reçu en Christ ? Les disciples de Jésus ont beaucoup de raisons de louer Dieu. En Christ, Dieu a choisi de nous adopter en tant que fils et filles pour le représenter auprès du monde. Paul emploie de nombreuses images pour décrire notre nouvelle relation à Dieu en Christ. Parmi ces images, l'image de l'adoption répond au thème de cette leçon, l'unité. En Christ, nous avons été adoptés et nous appartenons à la famille de Dieu. Cette image familiale est également une référence à l'alliance que Dieu conclut avec les enfants d'Israël. Dans le contexte de l'épître de Paul, les non-juifs qui acceptent Jésus comme Messie sont également enfants de Dieu, héritiers des promesses faites à Israël. Le bénéfice de cette relation avec Christ, être en Christ, est fondamental pour toute l'unité chrétienne. Ce passage nous dit également que Dieu a toujours eu la volonté de réunir toute l'humanité en Christ, et dans la famille de Dieu, connaître Jésus ne nous confère pas de statut particulier, nous sommes tous enfants de Dieu, aimés et chéris de la même manière. Certains sont perplexes quand dans ce passage il est question de prédestination. La promesse qui veut que Dieu nous ait choisis pour être sauvés semble impliquer que Dieu en a choisi certains pour être perdus et d'autres pour être sauvés. Mais ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Dieu a en fait préparé le plan du salut avant la fondation du monde, afin que tous puissent être sauvés. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Dieu sait d'avance qui va accepter son offre de salut, mais ce n'est pas la même chose que de prédestiner une décision. Le salut est offert à toute l'humanité à cause de ce que Christ a fait pour nous. La question est, comment répondons-nous à cette offre ? Dieu n'emploie jamais la contrainte pour sauver quiconque. Dans le Conseil céleste, on décida que les hommes, bien que transgresseurs, ne périraient pas dans leur désobéissance, mais que par la foi en Christ, comme leur substitut et leur sécurité, ils pourraient devenir les élus de Dieu, prédestinés à être adoptés comme enfants par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, car il a tout prévu en donnant son Fils unique pour payer la rançon de l'homme. Les perdus périront parce qu'ils auront refusé d'être adoptés comme enfants de Dieu par l'intermédiaire de Jésus-Christ.